Bonsoir et bienvenue pour ce Next Gen Wrestles podcast consacré au spécial events de NXT. Pour cet épisode, nous nous consacrerons à NXT Unstoppable, spécial event du 20 mai qui s'est déroulé à la Full Sail University. Pour m'accompagner ce soir, un duo de choc garanti 100% sans accent du Sud. Le premier est la voix des interviews, à la fois animateur, monteur, tenancier des lives de Wrestles Radio. C'est le couteau suisse le plus efficace du Pas-de-Calais, c'est Vincent. Bonjour à tous. Il vient de piquer la catchphrase du second qui est en ce moment un monsieur. Couteau suisse. Hein. Ouais, c'est en ce moment c'est notre monsieur 100% avec une participation constante à Wrestles Radio, hein, Next Gen, Late Night Wrestles, les interviews, voilà, il est même plus souvent présent que moi, c'est Seb. Bonsoir à tous, c'est comme ça qu'on fait Vincent. La prochaine fois, tu essaieras de le faire. Tu me donneras un cours, je te paierai. Ouais, ça marche, on fera ça. Avant de se diriger vers Winter Park en Floride, laissons-nous quelques instants autour du premier theme song de l'histoire historique des special events de NXT, Unstoppable de Motionless in White, un titre à tout trouver. Nous voici donc à la Full Sail University de Winter Park pour le 5-6e, je sais plus, Special Event de NXT. Un Special Event qui démarre fort, en effet, avec un match pour la place de prétendant au titre de NXT. Un match entre Finn Balor et Tyler Breeze remporté par notre bestiole préférée en 11 minutes 30, donc Finn Balor. Bah on va commencer par Vincent. Peut-être pas pour moi qu'il fallait commencer, mais c'est pas grave parce que j'ai pas beaucoup de choses à dire, hormis que ouais, mais pour moi la victoire de Balor était évidente vu sa popularité quoi. Et puis il faut signaler quand même qu'au départ il y avait Hideo Itami qui était prévu dans ce match, mais que pendant le pré-show de NXT ils ont fait un angle où on le voit en fait après s'être fait tabasser près d'un véhicule, mais il me semble qu'il était déjà blessé depuis quelques semaines. Oui, c'était dans la storyline. En fait. C'était juste pour faire une storyline autour de ça. Faudra observer ça, sera peut-être dans les prochains enregistrements de NXT. Finn Balor qui a fait d'ailleurs une entrée encore plus spéciale qu'habituellement puisqu'il a rajouté des ailes et des espèces de comment dire de cornes dans son dos pour ajouter un petit peu plus de mise en scène à une entrée qui en avait déjà beaucoup. Seb, qu'as-tu pensé du match dans sa globalité? Ouais, c'est toujours un match sympathique à suivre quand il y a Finn Balor impliqué, hein. Même Tyler Breeze qui est quasiment un main eventer à NXT, qui est un poil en dessous des grosses stars qu'on a connues sur le circuit indie, mais qui est quand même présent, qui montre qu'il a quand même un certain niveau, qui peut travailler avec n'importe qui à NXT. Et donc encore une fois, ça nous a sorti un bon match entre ces deux-là. Après, là, la victoire de Finn Balor ne me surprend pas non plus. Hein. Forcément, il allait gagner puisque Kevin Owens est le champion. Et ça m'étonnerait qu'il l'aurait perdu, comme on va le voir plus tard. Et donc, on ne peut pas faire un heel contre heel. Donc, c'est face contre heel, forcément. Après, ouais, on a pu aussi noter que Tyler Breeze a aussi fait une entrée spéciale. Hein. C'est la première fois que je crois qu'il fait une entrée personnalisée comme ça. Finn Balor, c'est la tradition à chaque NXT spéciale, mais c'est toujours impressionnant à voir. Et vraiment un moment qu'on attend dans le show. C'est tout con, mais une entrée, ça nous fait kiffer, quoi. Ouais, en effet, et puis ben l'importance de la mise en scène, et je crois qu'il utilisait aussi une application pour mettre son entrée aussi disponible sur cette application, je sais plus. Oui, l'application Periscope. Voilà, et enfin toujours avec cette gimmick de superficiel, en tout cas avec son selfie stick. Et cette entrée toujours assez identique, hein, de toute façon. Et il stagne un petit peu quand même, Tyler Breeze, j'ai l'impression, enfin dans le show. Et le problème, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment la place dans le main roster pour lui. Hein. Je pense qu'on avait déjà parlé de ça dans le précédent Next Gen Wrestles, mais enfin, son gimmick ressemble quand même à une version de Dolph Ziggler, quoi. C'est un peu Ah improbable. Hein. oui, c'est Enfin, Dolph Ziggler heel, hein, pas face. oui, c'est une gimmick de heel assez classique, quoi. Arrogant, sûr de lui. Mais il le fait bien. C'est. Oui, il le fait bien, c'est sûr. Et il Après, a un bon catch. le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de rivalité. Enfin, il est là Ouais, pour mettre en avant les autres, quoi. c'est clair, ouais, en fait, Il le fait bien, mais c'est clair. Bah, c'est il dommage avait pour fait lui, un quoi. match avant face à Hideo Itami. Et du coup, là, c'est face à Finn Balor. Et Finn Balor, par contre, lui, il risque de toucher la ceinture bientôt. Ça risque d'être le cas. Du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite avec un match tag team féminin entre entre l'équipe de Bayley et Charlotte contre Dana Brooke, nouvelle arrivante, et Emma. Donc, match qui a duré 6 minutes 51 et qui finit avec Charlotte qui gagne grâce à son natural selection. Seb. C'est un bon match de diva. Hein. À titre de De comparaison, femme, on a, de women. oui, on va On a dire de NXT. women, c'est vrai. Je suis tapé. Par contre, je voulais dire, ouais, à titre de comparaison, avec les divas cette fois, au dernier pay-per-view, il y avait un match tag team. C'était les Bella Twins contre Naomi et Tamina. Et là, on voit clairement la différence. Les catcheuses de NXT proposent des matchs plus intéressants et plus appréciés des fans, en tout cas. Malgré que ce soit le territoire de développement, quoi. Ça, on le dit à chaque fois quasiment, mais les femmes à NXT, c'est largement mieux que ce qu'on voit avec les divas, ne serait-ce que dans l'intérêt qu'on peut porter vis-à-vis de ce match. Hein. On rentre dans un match féminin à NXT en étant confiant d'avoir une bonne prestation, alors que dans le main roster, on a envie de zapper ce match et passer à la suite directement. Et là, encore une fois, c'était un match de bonne facture. Hein. On a connu des classiques en 1 contre 1. On n'a pas trop vu de match par équipe féminin. Je crois même que c'est la première fois sur un NXT spécial, si je ne me trompe pas. Mais bon, c'est un match de 6 minutes agréable à suivre. Hein. Je ne vais pas à me plaindre. D'accord avec Sébastien, je veux juste préciser un truc qui me paraît important. Je pense que, enfin, à chaque fois on dit que la qualité des matchs féminins à NXT est bien meilleure que la du 2, mais je pense qu'il n'y a pas comparaison à faire puisque déjà le public NXT est plus un public de fans de catch. Du coup, le catch proposé, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, est beaucoup plus poussé, enfin, des matchs plus Fais longs pas ton booster, putain. et de meilleure qualité. Non, non, mais. Je rigole. Et en plus, enfin, de toute façon, à Raw ou à SmackDown, c'est des matchs de 2-3 minutes, donc dans tous les cas, les divas ne peuvent pas montrer tout leur talent, quoi. Mais après, je suis globalement d'accord avec Sébastien. Peut-être préciser que Dana Brooke, c'est une ancienne bodybuildeuse, même actuelle, puisqu'elle a participé au célèbre. Je sais pas comment on appelle ça, une célèbre compétition, le Arnold Classic, forcément popularisé par rapport au nom de Arnold Schwarzenegger. Juste préciser aussi qu'avant le match, on a fait voir qu'il y avait l'ancien acteur de Game of Thrones qui jouait la montagne, En effet. Clegane, aux Alors, côtés de Stephanie McMahon. je ne vais pas me risquer à prononcer son nom. Moi, personnellement, je serais assez d'accord avec vous. Je vais juste noter aussi que Emma, enfin voilà, la pauvre, se retrouve à NXT en heel pour finalement être quand même applaudie par les fans, enfin qui l'aiment bien. Du coup, enfin la pauvre, pour une pauvre histoire de d'iPhone un peu bizarre, elle s'est Je pense. retrouvée au fond. Oui, enfin, il n'y a pas que ça. Quand ils l'ont amené au roster principal, elle faisait équipe avec Santino, donc c'était pas non Ouais, plus non, le. mais je veux dire, enfin, c'est. Non, mais. Enfin, c'était pas la joie, mais je veux dire, au moins, elle avait quelque chose. Ouais, Mais. bof. Enfin, après son. Le fait de s'être fait virer, et d'être. Enfin, c'était un peu bizarre, quoi, à ce moment-là. Mais c'est normal que le public l'applaudit, puisque c'est NXT qui a eu ses meilleurs matchs contre Paige, donc. Oui, c'est vrai. Donc, oui, forcément. Après, pas un grand avis sur Dana Brooke, enfin, voilà, quoi, elle débute. Et après, ben, le reste, c'est comme d'habitude. Juste surpris que Charlotte soit encore là, quoi. Je sais pas ce qu'elle Ouais. fout encore à NXT. Je Je ne pense qu'ils comprends attendent pas. le bon moment, tout simplement. Ouais, mais. Trouver la bonne idée pour la mettre à Raw. Ce serait tellement simple pourtant, avec son statut de fille de Ric Flair. Franchement, t'as une sorte de tapis rouge qui est là et ils le Ouais, mais comptent pas, faut pas c'est non assez. plus. c'est un peu trop simple, quoi, parce qu'après ça fait Curtis Axel, fils Oui, de c'est Mr. sûr. Perfect, quoi. Ouais, sauf que là, plus de talent. Il y a une place à combler quand même avec le départ d'AJ Lee il n'y a pas si longtemps. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Pour Il moi, le manque une timing. diva importante. Après, enfin, en ce moment, justement, il y a l'histoire Paige, Paige Naomi, Bella, et forcément, ça bloque un peu le paysage, mais on espère que ça arrivera vite. Bon, on va finir avec ce petit hors-sujet, enfin à moitié, et on va passer au match suivant entre Baron Corbin et Rhino. Un match de 7 minutes 15, le plus long de Baron Corbin. Un match que Baron Corbin a gagné grâce à son End of Days. Un match fantastique, n'est-ce pas, Vincent? J'ai le droit de m'endormir pendant ma réaction à ce match ou j'ai pas le droit? Tu as le droit. Tu peux faire semblant d'avoir un problème de sommeil. Vas-y. Mais non, je suis pas bon comédien donc je vais éviter. Mais qu'est-ce que je peux dire sur ce match? Rhino est toujours aussi tanké, même s'il a 39 ans. Je pensais même qu'il était plus vieux. Mais bon, apparemment il était assez jeune quand il a fait ses... quand il a explosé à la ECW. Et Ici, top. Pardon. merci Pierre. Et sinon, je sais pas quoi dire sur le match à part que bon, si on aime bien le style de fight, de brawl, c'est un match qui passe quoi. Mais moi, je trouve qu'il n'y a rien dans ce match. Et je trouve que Baron Corbin ne montre rien depuis qu'il est à NXT. En plus, il a qu'une expression faciale Ouais, à il m'a montrer à la Baron, il est caméra. Du coup, sale. oui, non, mais enfin, Ce compte Twitter n'est plus actif et on le regrette. Enfin, Je c'est... comprends pas tout le délire des dirigeants. Enfin, surtout que le public commence à se retourner contre lui. Il y a eu pas mal de chants qui se sont moqués de Baron Corbin. Du coup, je me dis s'il est déjà un peu constitué à NXT, que ça va être à haut, quoi. Ouais, ça risque d'être compliqué. Seb. Moi je le vois bien plutôt ouais, sur une gimmick heel hein, en face pourquoi pas après tout mais en heel je pense qu'il y a plus de Bah là, il est heal, potentiel. hein. Ouais, je pense Ouais, mais que c'est parce que c'était Rhino, donc... ouais, c'est, je sais pas si c'est officiel, mais en tout cas ça va le devenir à mon avis très prochainement. Après, ouais, le match, comme Vincent l'a dit, il n'y a rien de notable particulièrement, à part son finish qui est quand même très impressionnant, il faut quand même bien lui accorder ça. C'est Après, ça. sinon, oui, le résultat est somme toute logique, puisque Rhino est à NXT pour mettre en avant les jeunes, donc une victoire de Rhino aurait été contre-productive, donc normal. Si on peut dire aussi qu'on est content de plus voir Bull DMC. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que la disparition de Bull DMC est très positive enfin pour le show. Et sinon, Baron Corbin, c'est son premier match en Special Event qui a dépassé les 3 minutes, je pense. J'exagère un Possible. peu. Il y avait peut-être justement un match face à Bull DMC qui avait dû durer un peu plus longtemps. Même pas sûr. Mais 7 minutes 15, enfin, tu vois déjà le gars. Bon, il n'a pas un catch énorme. Et ouais, il y a juste son finisher en fait. Il a juste son finisher pour lui. Qui est cool, là, le End of Days, il est vraiment sympa. Mais derrière, quoi, c'est. Oh là là. Il n'a pas de charisme. C'est fou. Et tu te dis qu'au début, il est adulé, quoi. C'est ça le pire. C'est. Ouais, mais Enfin. le problème, c'est que quand tu montres la même chose pendant 6 mois, forcément, au bout d'un moment, les gens se lassent, quoi. Ouais. Et bon. Bah, on vous invite encore une fois à aller voir le Twitter de Why My Baron Is Sad. toujours, encore. Parce que. Enfin. Même s'il est plus actif, vous pouvez voir les anciens tweets et c'est toujours très drôle. Donc voilà. On va passer à la suite avec un autre tag team match. Cette fois-ci, il est masculin. Hein, c'est entre Blake et Murphy, qui sont champions par équipe à NXT, contre la team Soft de Enzo Amore et Colin Cassidy. Ouais, je pense que je le dis bien. Et c'est les champions qui ont conservé leur ceinture en 8 minutes 50. Grâce à l'intervention d'Alexa Bliss, messieurs, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour vous dans ce match qui mérite une Cette intervention de votre part? intervention qui est quand même surprenante, hein, cette intervention d'Alexa Bliss qu'on ne voyait pas venir, puisque, à titre de comparaison, pour ceux qui ne suivent pas vraiment NXT, on va dire que Alexa Bliss est un petit peu la Kelly Kelly de NXT, donc vous voyez que Une référence. C'est purement une face quoi sur le principe, donc c'est un peu étonnant de la voir intervenir en faveur de l'équipe Heal, d'autant plus que je pensais vraiment que Carmella allait se retourner contre Enzo Amore et Colin Cassidy, hein. Il y avait quelques frictions, pas vraiment des frictions, mais des comment dire Et tension. des tensions voilà Friction, au c'est sein le de thème cette song de équipe. Imagine Dragons, Payback. Merci pour ta culture musicale. Et c'est ce qui se passe dans les C'était il vestiaires y a une entre les semaine. dieux et les supporters. Ah. Ah là là. Et voilà, sinon le match est ce qu'il est, mais bon, Enzo Amore et Cassidy sont pas connus pour être des foudres de guerre dans le ring, mais ils sont très populaires, donc ils jouent là-dessus et voilà, ils ont quand même livré une prestation correcte, je pense. Je pense que je vais retenir cette expression foudre de guerre. En effet, ce ne sont absolument pas des foudres de guerre. Quelque chose à ajouter, Vincent? Bon, juste dire que je trouve qu'il y a un problème de division par équipe à NXT quand même. Parce que y a toujours deux ou trois équipes comment dire, qui vivotent un petit peu autour des titres par équipe et après il n'y a plus rien derrière. Et même quand enfin, ça devient assez redondant, je trouve. On a eu la période Ascension où ils ont été champions pendant plus d'un an. Après il y a eu les Lucha Dragons, mais enfin, personnellement je trouve que les Lucha Dragons c'est juste deux luchadors ensemble. Il n'y a pas vraiment je trouve, de cohésion, c'est pas vraiment une équipe pour moi, c'est juste de Mexicains ensemble. Et là, je trouve que Blake et Murphy, alors déjà, ils font mal aux yeux dès leur entrée avec ce truc un peu techno, puis l'écran, enfin, qui fait très mal aux yeux. Ouais, je trouve qu'en plus, les champions par équipe sont pas très. Enfin, ils ont du mal à prendre auprès de la foule. On sait pas trop s'ils sont face ou heel, bon là, en l'occurrence, ils étaient heel. Et je trouve que c'est peut-être parce qu'ils manquent de crédibilité, peut-être. Comme ils ont pris les titres sur un roll-up et que depuis ils n'ont pas vraiment de vraie victoire, je pense que c'est un peu ça qui les met à mal. Puis derrière, après ça, il y a quoi? Il y a les Vaudevillains. Et derrière Et c'est ça, il n'y a tout. personne, quoi. Et à titre de comparaison, maintenant, dans le main roster, il y a plus d'équipes quand même. Ils arrivent à en faire un Elimination Chamber, ce qui est quand même exceptionnel. Même dans le même roster, c'est le même problème, quoi. Enfin, Tyson Kidd, Cesaro, c'est l'association de deux catcheurs très bons, mais voilà. Enfin, au départ, c'est pas une vraie tag team. Ils ont réussi à former un truc sympa, mais au départ, c'est pas une équipe. En face, t'as quoi? T'as. Merde. New Day, qui. Bon, pareil, quoi. C'est l'association de trois catcheurs noirs, quoi. c'est un peu ça. Si on reste dans l'optique un peu d'assemblage. Peu par ressemblance, il est un peu dégueulasse quoi, mais bon. Ils aiment bien le Mais gospel, écoute. écoute, oui, évidemment. Oh là Mais là, c'est chaud quand même cette gimmick. j'ai envie de dire, est-ce que la division par équipe NXT ne prend pas parce qu'il n'y a pas de star de l'indie? Parce que j'ai l'impression que le show est un peu basé sur les stars de l'indie, hein, entre les Owens, Zayn, Balor, etc. Et dans la division par équipe, il n'y a jamais eu Bah je de. pense pas parce que Ascension ça a eu quand même une popularité démentielle à NXT. Ouais, mais parce qu'ils Lucha Dragon ça a avaient été une gimmick très bien bon à marquée, NXT. mais ils ont jamais été Enfin, exceptionnels dans le ring, tu vois. Lucha Dragon c'est Samurai Del Sol donc ok. Mais ouais non c'est ouais le gimmick prenait mais tu vois rien que ça Blake et Murphy l'ont pas. Hein. Allez, ben du coup, ben on peut dire que Amore et Cassidy, c'est ceux qui sont plus proches d'avoir une popularité à NXT, quoi. Soft, ça marche bien malgré tout ce qu'on peut dire. Ils ont des Sur bonnes eux, catchphrases. voilà, oui, ils ont une bonne catchphrase. Voilà. Et puis les commentateurs disaient assez souvent que Enzo Amore c'est le fils caché de DDP, donc peut-être que Aïe, ça joue aussi. Hein. ah, moi j'ai mal à mon DDP, je sais pas Moi pour aussi, vous. hein, mais c'est pas grave. C'est notre mascotte DDP. On a Renault qui se retourne dans sa tombe. Même Enfin, s'il n'est pas mort. il est pas mort, mais dans sa future tombe, voilà. Oui. On va passer à la suite, messieurs, avec ce match entre Sasha Banks et Becky Lynch pour le titre féminin de NXT. Un match qui a duré 15 minutes 33 et qui s'est terminé par une soumission de la championne, donc qui retient son titre. Un match dans les standards de NXT au niveau du temps, mais est-ce qu'au niveau de la qualité c'est la même chose? Je vous pose la question, messieurs, notamment à toi, Vincent. Oui, tout à fait. Et en plus, je suis très content que ce match ait bien marché, puisque autant le renouvellement des équipes dans la division par équipe NXT, ça marche pas, autant j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une diva qui est mise en une catcheuse, pardon, qui est mise en avant à NXT, ça marche. Et là, Becky Lynch, c'est le bon exemple. Parce qu'au début, comme elle est irlandaise, elle avait un peu une gimmick de meuf qui danse sur de la musique irlandaise, certes. Et finalement, ils ont réussi à lui trouver un personnage un peu de rockeuse et ça marche bien. Et en plus, le match est très bon, un peu placé sur le plan des soumissions, tout ça. Donc, je trouve que c'est vraiment pas mal. Effet exceptionnel, c'est une Britannique qui a une couleur de peau qui est naturelle et qui n'a pas l'air d'être blanche, morte, comme Paige ou bien comme Sheamus. Il y a aussi quand même Bad News Barrett, mais... Sébastien. Ouais, moi je vais totalement dans le sens de Vincent, j'ai vraiment apprécié ce combat, on est rarement déçu dans les matchs pour le titre féminin à NXT. Cette fois-ci, c'était encore une fois pas le cas, hein. Pas de déception, au contraire, vraiment quand je réfléchis sur la soirée, je dirais même que c'est peut-être le meilleur match de la soirée. Je sais pas si vous partagez cette Je analyse suis ou pas, mais d'accord. et de loin pour moi. ouais, ça me rassure alors, j'ai la même vision que vous. Oui, mais ce Mais match, ouais. vous spoilez parce que j'allais vous poser la question plus tard, mais bon, maintenant tout le monde le sait. Ah bah voilà. Il fallait me le dire, ça, avant. Sinon, que dire de plus? Que dire? Oui, que le match est bon, ça je l'ai déjà dit, donc je ne vais rien rajouter de plus. Moi, j'ai juste rajouté que le public a été, comme d'habitude, très réactif, et en particulier pour Becky Lynch, avec à la fin du match, enfin après le match, ils ont chanté son thème, ils lui ont dit merci, je crois. Donc, une standing ovation pour Becky Lynch à la fin du Il match. y a aussi pendant le match de Finn Balor contre Tyler Breeze. Je crois qu'à un moment, il est hors du ring, Finn Balor, et l'arbitre ne compte pas. Et du coup, tu as le public qui réagit et qui dit You ain't counting. Ce qui est. Enfin, voilà. Toujours un public énorme. Hein. Et Enfin, aussi quand il montre à l'écran les 5 5 recrues des 11 récemment signés, ouais. il y a le un des 5 qui est une ancienne star de l'indie, One Nation, et t'as un petit chant Oua pour One Nation, et Ouais, là je me voilà. suis dit, en fait One Nation il est plus over que Adam Rose n'a jamais été dans Main Roster. C'est pas compliqué, hein. Mais oui, voilà. Et puis, ben, de toute façon, le public toujours exceptionnel, hein. C'est toujours un public très, très, très drôle. Parfois un peu trop smart, mais voilà. Limite du smart, mais c'est pas grave. On lui en veut pas parce que ils font quand même un boulot exceptionnel. Enfin, un boulot. Ouais, on aimerait bien être à leur place, quoi. C'est vrai. Du coup, on va terminer ce show par l'affiche de la soirée. En tout cas, c'était le main event entre Kevin Owens et Sami Zayn. Un match qui n'est pas vraiment fini, en tout cas. Puisque Owens a, comment dire, encore une fois détruit. En tout cas, il a encore foutu le bordel. Match qui officiellement s'est terminé au bout de 13 minutes, mais enfin voilà, c'est. Comment dire, c'est. Après, Kevin Owens veut détruire encore Sami Zayn. Donc, en fait, officiellement, le match se termine en no contest. Hein. Après, Kevin Owens prend Sami Zayn par la peau et essaye de l'abattre, quoi, comme il l'avait promis. Donc, Regal prend Owens par le nez. Et du coup, en résulte un coup de boule de Kevin Owens. Donc, du coup, révolte contre l'autorité. Kevin Owens veut frapper Sami Zayn avec une chaise, mais arrive quelqu'un. Ce quelqu'un, ce n'est nul autre que Samoa Joe, donc ancien de la TNA, ancien de la ROH surtout, qui arrive donc, qui fait ses débuts à NXT. Mais non, Samoa Joe n'a jamais signé à la WWE, dit la TNA, bien sûr. Jamais. Voilà. Après tant d'informations, messieurs, vos avis, Seb. Alors, plusieurs choses à dire. Hein. Il faut segmenter cette analyse. Tout d'abord, Voilà. le match. Le match qui se résumait à une grosse domination de Sami Zayn pendant près de 10 minutes. Il a vraiment passé à tabac Kevin Owens un peu partout dans l'arène. Et bien sûr, ça se termine avec la même prise qu'il avait Ouais. mis sur la touche Sami Zayn, ce fameux powerbomb sur le côté du ring dévastateur. Mais je pense que c'est important pour les officiels de redonner beaucoup de crédit à Sami Zayn avec cette domination. Bien sûr, il n'a pas gagné le titre, mais il est au moins sorti grandi de ce match quand même. Et ce qui est important aussi, je pense, c'était de laisser la porte ouverte à encore un match entre ces deux-là, mais dans le main roster, je pense. Hein. À mon avis, là, on n'aura plus de nouveaux matchs à NXT. Je pense qu'ils veulent vraiment que la rivalité se termine ou plutôt se continue dans le main roster entre ces deux-là, parce qu'il y a vraiment un Ah là gros là. potentiel. Et je pense qu'on est nombreux à attendre ce moment de voir ça dans un pay-per-view de la WWE. Seb, je suis en train de pleurer de joie. Tu me vends du rêve. Moi, Mais ça je suis pas viendra. d'accord, mais c'est pas grave. Tu veux pas voir ça dans le main roster? Mais t'es un bâtard. Ben non, pas tout de suite en tout cas. Non, pas tout Oh, de suite, oui, pas tout de bien sûr, suite, pas ce tout de sera pas la suite. semaine prochaine, oui, Ah, mais. ça c'est clair et net, c'est Non, mais dans enfin, pas, je veux un dire, an, je dix préfère les ans. voir faire des trucs de leur côté, peut-être après un jour, oui, avoir une rivalité dans 2-3 ans, mais non, un troisième C'est trop épisode long ça. NXT et après, peut-être après, mais. J'ai pas envie de voir Bah de toute de façon, les Kevin voir. Owens, il va avoir un Finn Balor, il va avoir un John Cena déjà à Elimination Chamber contre lui. Donc je pense que Sami Zayn, ouais, il va être mis de côté. Et C'est aussi ça, oui, je pense c'est dans. aussi qu'ils sont en train de préparer, enfin ils sont en train de mettre Sami Zayn de côté pour, déjà pour qu'il se soigne. Parce que le gars a une vraie blessure quand même. Et je pense qu'après ils vont le lancer dans le main roster. C'est petite ambiguïté ouais, avec Kevin Owens, on sait pas trop est-ce qu'il va démarrer vraiment dans le main roster ou pas. On sait qu'il affronte John Cena Ah, je à parlais de Sami Elimination Zayn là. Chamber. Ah bah moi aussi je confonds, tu vois, t'es pas le seul. Non, c'est parce que Sami Zayn a une vraie blessure actuellement. Et Sami Zayn, il le monte de côté, enfin, voilà quoi, de manière qui est faible, il est mis de côté, mais en vrai, pareil quoi, il est mis de côté pour se soigner. Et je pense qu'à son retour, par contre, ils ne le remettront pas à NXT et ils l'enverront directement dans le main roster. Ce qui était fait un petit peu avec ce test face à John Cena, même si c'était aussi pour avoir une des plus grosses pops de l'année à Montréal. Mais voilà, Kevin Owens, ouais, il y a aussi ce test, ce gros test face à John Cena. Mais je pense aussi que les officiels ont vraiment aucun doute sur ces deux-là, quoi. Enfin, je vois pas ce qu'il y a à craindre de Kevin Owens ou de Sami Zayn. Enfin, Ah non. les deux. Pour moi, c'était les deux avec Finn Balor, donc du coup les trois maintenant, qui étaient sûrs d'arriver dans le main roster sans avoir peur de se casser la gueule. J'avais des Ouais. craintes sur Neville qui actuellement est en train de faire son bonhomme de chemin, quoi, sans non plus faire d'énormes vagues, mais voilà quoi, il est là. J'ai des doutes sur Hideo Itami, j'ai des doutes sur Tyler Breeze, voilà. Mais Finn Balor, Kevin Owens, Sami Zayn, les trois là, je vois pas en quoi il y a une peur à avoir, quoi. Je sais pas pour vous. Parce Ah que bah oui, ils sont totalement prêts, hein. Ils ont pas attendu NXT pour commencer à catcher, hein, tout le monde le sait. Donc ils sont vraiment totalement prêts à catcher dès demain à temps complet dans le main roster, à mon avis. Mais bon, après, un petit truc étonnant, c'est que Kevin Owens, il joue vraiment sur beaucoup de tableaux. On sait qu'il est en rivalité avec Sami Zayn, avec John Cena, avec William Regal maintenant, je pense, avec Hideo Itami également, puisqu'il était intervenu dans le petit clip au début du show où on a vu Hideo Itami Non, couché je par pense terre que ça c'est et juste Kevin pour Owens lui. passait juste à côté. Je pense que c'est juste pour montrer que c'est un connard, tout simplement. Parce Et que tu qu'il n'en as rien à foutre des autres, se et fait lui des ennemis, quoi, le son type. objectif c'est conserver son titre et après basta quoi. Et après oui, sinon. Après il faut faire attention aussi de pas faire monter. On parlait de Balor, de Kevin Owens et de Sami Zayn qui normalement sans incendie majeur, incident pardon, majeur. Vont aller dans le main roster, mais il faut faire Sans attention. incendie non plus, on sait Oui, jamais. aussi, on sait jamais s'il y a un incendie au Performance Center, mais faut faire attention de pas faire monter les trois d'un coup, déjà pour que ça ait Une un impact cohérence. maximum à Raw, puis aussi pour pouvoir les remplacer à NXT, parce que Owens, Sami Zayn et Balor, ça ferait mal aux fesses s'il fallait les remplacer demain, quoi. C'est C'est clair. sûr. Et sinon, pour revenir à Samoa Joe, Voilà, j'allais faire la transition, t'es fantastique. Mais de rien, de rien. Tu m'enverras un petit chèque à la fin du mois. Bien sûr. Pardon. Ou une boîte de pépito, ça ira aussi. Je te paye déjà des bières, ça va. Chut, chut. Donc oui, pour Samoa Joe. Alors, autant j'étais super content de le voir, autant je me dis, celui qui connaît pas Samoa Joe, ce qui est possible, hein, parce que Il a dû se là, faire chier. Oh là là. ben voilà quoi, c'est un mec qui vient faire opposition à Owens, mais sinon il connaît pas quoi. Ça serait Puis bon, il y a Serait rien. tard tampion, Ouais. est-ce que ça marche quoi? Bah surtout, enfin, il est venu, il a pas dit un mot, quoi. Oui, il n'y a pas eu de confrontation physique. Et ce qui était intelligent par contre de faire, c'est que pendant le kick-off, Le kick-off, c'était dans le hall enfin, de la salle de la Full Sail University avec René Young et les trois commentateurs du soir, qui d'ailleurs étaient très mauvais parce qu'à part dire oh et oh my god, ils n'ont pas dit grand-chose d'intéressant. Et aussi cette phrase cliché qu'ils ont sortie plusieurs fois, c'est je crois que je n'ai jamais vu ça de l'histoire de NXT. Oui. Alors que, enfin voilà, quoi, ils disent ça à chaque show en fait. Généralement, quand tu dis des superlatifs, c'est que tu n'as rien à dire. Oui, Voilà. et donc dans le kick-off, ça se passait dans le hall, et dans le hall, il y a des grandes vitres sur l'extérieur, et on voyait un mec avec une serviette sur la tête en mode Taz, sauf que c'est la façon dont rentrait Samoa Joe à la TNA. Je Après, l'ai je vu sais aussi, pas ouais. si c'est pas un fan. Non, non, je pense pas. Enfin, C'était assez étonnant, ouais, parce qu'il bougeait surtout pas du tout, le pour. type. Ouais, il bougeait pas du tout déjà de une, il n'y a personne qui venait le faire chier. C'est vrai. Et en plus, on le voyait sur les plans de caméra autant que sur Graves que sur Byron Saxton, donc je pense que c'était fait. Et en plus, autant les débuts ont C'était fait très flippant aussi. plaisir à voir, c'était attendu, puisqu'on a eu plusieurs fois le chant Bidule va te tuer, enfin, Ouais. pour n'importe quel match, quoi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, du coup, je pense qu'on a tout dit sur tout ça, je pense. En tout cas, Kevin Owens qui est bien prêt pour John Cena, non? Quand même. Oui, il est bien prêt, oui, on l'a vu lors de sa première apparition à Raw, il a fait déjà une très bonne performance contre Cena, hein, le mettant KO à ses pieds. Et j'ai notamment aimé particulièrement le fait qu'il mette le pied sur la ceinture et qu'il brandisse la ceinture du NXT. Ça, Ah bah c'était si, s'il fallait. Déjà le fait, un rien que le moment fait que le match, sympathique. rien que le fait que du coup le match soit pas pour le titre des États-Unis, enfin voilà, c'est très bien. Ça veut dire que non, enfin Owens peut, déjà Owens peut gagner, ce qui, enfin même si ce serait de manière bien sûr fourbe ou quoi, mais en tout cas il peut gagner. Et puis surtout, ben voilà quoi, c'est le gars, bien sûr, il sera pas lancé dans le main roster tout de suite. Il y aura probablement un petit spécial event de NXT d'abord, mais surtout, ben, voilà quoi, il s'en branle et le mec est déjà champion et il porte NXT tout seul quoi, enfin tout seul, vous comprenez quoi, c'est en tout cas il veut porter les couleurs de NXT en même temps que porter ses propres couleurs quoi. Puis Kevin Owens, on n'en Ce dira jamais assez. qui est agréable avec ce pay-per-view, c'est que j'ai l'impression que ça peut être le pay-per-view de l'année. Un petit peu comme un TLC ou un Extreme Rules les autres années. Je trouve que la carte est très peut être Elimination très Chamber, très bien sûr. divertissante. Ouais. Oui. Ce qui est bizarre, c'est que c'est un event consacré au network, quoi, encore une fois. Oui, qui était annoncé comme Ouais, ça et assez la dernière tardivement, minute. depuis Payback, quoi, on le sait, quoi, un peu avant Payback. Voilà, quoi, c'est un peu étrange, quoi. Mais bon, on y reviendra le soir du live. Pour l'instant, je vais vous demander vos notes. J'ai pas préparé la calculatrice, mais c'est pas grave. Je vais le faire. Vous demandez vos notes sur ce spécial event, bien sûr, messieurs. Seb. Je vais mettre la note de 7 parce que c'est un show qui est un poil en dessous comparé à ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire du très très bon. Là, on a seulement du bon ce soir-là. Comme je l'avais dit, le match féminin pour le titre et le match de la soirée. Après, il y a l'opener qui est sympa. Et le reste n'est pas aussi bon que ce à quoi on est habitué. Donc, 7 pour ma part. Je vous rappelle que c'est des notes sur 10. Hein. Si jamais Oui, vous bien n'avez sûr. jamais suivi, ce n'est pas une note sur 20. Voilà, ne vous offusquez pas. Vincent. Moi, je mets la note de 6, puisque 6, c'est généralement la note, enfin, c'est notre moyenne, quoi. C'est à partir de cette note où on conseille le show. 6, parce que je trouve qu'il y a quand même un gros creux au niveau du milieu du show, avec le match de Rhino et le match par équipe, même peut-être l'autre match par équipe féminin. Après le reste, enfin l'ensemble des matchs, c'est globalement bon. On a peut-être envie d'en voir plus pour le main event ou le premier match, mais c'est globalement solide. Et il y a encore dans ce live event, enfin dans ce show spécial de NXT, la touche de surprise. Il n'y a pas longtemps, on a vu les débuts je crois que c'était de Solomon Crowe, on a eu l'arrivée de Kevin Owens, pardon. Et là, c'était l'arrivée de Samoa Joe, donc et aussi une autre fois, c'était l'entrée spéciale de Balor. Et du coup, voilà, Pardon. un 6. Je rigole parce qu'il l'a senti. Oui, que je faisais un J'en peu la étais rallonge. sûr. Il l'a vu sur le chat. Il l'a J'en étais vu. sûr. Vous n'avez pas le chat, bien sûr, puisqu'on fait ça sur Skype. Voilà. Du coup, il y a Sébastien qui fait. Parce que j'avais sorti la calculatrice. Hein. J'avais dit. Enfin, il fait. Tu le sens, le 6,5 de Pierre. Là, là, no cal hashtag no calculatrice. Et en Alors effet. que divisé par 3, c'est simple. Non, mais. Non mais sinon, enfin, je vais vraiment mettre 6,5, mais c'est vraiment ma note que Mais quel escroc. Là, c'est une radio bande d'escrocs, mais surtout Pierre. Ah là là, je suis un vendu. Rendez l'argent. Espèce de Seth Rollins. Non, voilà, exactement. J'aime beaucoup cette comparaison. En tout cas, je mets un 6,5, mais je vais développer. Je trouve qu'on est arrivé dans une fin de cycle sur ce. Enfin, on va dire ce deuxième coup d'élan de NXT. C'est-à-dire qu'on avait l'angle Neville, Sami Zayn, qui a duré un certain temps, qui s'achevait. Du coup, là, on a eu un renouveau avec Kevin Owens, Sami Zayn. Et du coup, on est arrivé un peu en fin de cycle avec ces deux-là. Ça se sentait, globalement, aussi sur toute la carte. Et il y aura un coup de neuf avec à la fois Finn Balor qui va arriver un peu plus dans la title picture, encore plus qu'avant. Et du coup, avec Samoa Joe et tout, ça peut être cool. Non, tu ne corrigeras pas ta note, Vincent. Non, non, c'est pas pour ma note, en fait, c'est juste que on a dit à chaque fois Colin Cassidy et c'est Cassady. C'est Voilà. Cassidy, ouais, en effet. Je dis Cassidy parce que voilà, il a qu'à pas avoir un nom de merde. Ah, il nous les casse un peu. Cassidy. Non, C'est très très mauvais. Pourquoi j'ai participé à cette blague? C'est une question dont on n'aura jamais la réponse. Du coup, la moyenne, donc 7 plus 6 plus 6,5 divisé par 3 fait 6,5. Waouh, c'est fantastique! Pas du tout ah, comme par prémédité. hasard. Je vous fais des clins d'œil là. Vous le voyez pas, mais c'est pas grave. Donc 6,5 sur 10. Et ma question qui a été anticipée, donc le match de la soirée pour tout le monde, c'est le match féminin. Si vous ne deviez voir qu'un match, ce serait celui-là. Et pas le tag team, bien sûr, le match pour le titre entre Sasha Banks et Becky Lynch. Je vous conseille toutefois aussi de regarder Finn Balor, c'est toujours cool. Et pareil pour Kevin Owens, Sami Zayn, Samoa Joe, tout ça. Enfin, NXT en dehors de Baron Corbin, c'est cool. Voilà. Et aussi des matchs tag team. Voilà. Du coup, on va remercier nos partenaires Voxcatch. Je pense que Bruce avait. Est-ce que Bruce a fait la review? Oui. Il l'a faite. Fantastique, je ne l'ai pas lu, mais il l'a faite. Donc la review sur Voxcatch de Bruce de NXT. Vous pouvez suivre aussi Lucha Underground. On fait un peu tous les shows en dehors de la WWE aussi. Hein. Il n'y a pas que la WWE dans la vie. Voilà. Il y a aussi NXT. Et l'ICWA. Comment ça, les NXT aussi à WWE? Oui, ICWA, ça, on va y revenir, j'en parlerai après. On a comme partenaire aussi FNLUT, British pardon, Wrestling Revival, ma chaîne de catch et Lucha Underground FR, donc sur Twitter. Enfin, aussi une chaîne YouTube. Ma chaîne de catch aussi, est-ce qu'ils demandent encore des enregistrements et tout, enfin des cassettes? Bien sûr, si vous Bien avez sûr. des Donc VHS à lui voilà, envoyer. faut rechercher, faut lui dire si vous avez des VHS, des trucs comme ça. Quelqu'un qui en fait essaye de regrouper un peu toutes les archives possibles du monde, et c'est très honorable, voilà. Parce que plus on peut mettre à disposition un peu toutes les archives, et mieux c'est. Même si maintenant il y a le network, mais enfin, voilà. Toujours bien aussi des archives françaises. Le prochain Late Night Wrestles, enfà le prochain podcast, ce sera un Late Night Wrestles, je pense. Ce sera le 1er juin pour l'Elimination Chamber. Et ce n'est pas vrai, ce n'est pas le prochain podcast. Parce que entre ça, il y aura un petit podcast sur l'ICWA et Révolution 7. On est allé au show hier soir avec Vincent. Et on va donc faire un petit retour sur le show qui avait notamment Tommy End, Mason Ryan, donc ancien WWE, Tristan Archer, Luca Di Leo, Peter Fischer, qui sont des têtes d'affiche aussi du catch français et de plus en plus du catch européen aussi. Voilà, vous pouvez retrouver toutes nos interviews, dont la prochaine de Tyrus de la TNA qui va bientôt sortir. Voilà. Qui sortira le lendemain d'NXT. Et Tyros, c'est Brodus Clay à la WWE. Exactement, voilà. Vous pouvez toujours regarder les autres interviews. Il y a Matt Stryker, il y a DDP, il y a Jeff Jarrett, il y a Brian Cage de la Lucha Underground. Il y a plein de monde et c'est super. On adore faire ça pour vous. Et c'est sous-titré en français. Enfin, c'est des interviews faites en anglais mais sous-titrés en français, donc aucune excuse. On en a d'autres dans les cartons, bien sûr, hein, à venir Évidemment, tout au long de ça l'année. va venir tout au long de l'année. On essaie de faire ça un maximum et de vous dépêcher les plus gros noms possibles. Il me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés pour ce Next Gen Wrestle. Le prochain épisode sera au prochain Special Event de NXT, comme d'habitude. Je vais remercier aussi mes camarades du soir, donc Vincent et Sébastien. Il y avait aussi Renaud qui nous a écoutés, son oreille protectrice toujours. Donc je vais les remercier pour leurs analyses, en tout cas Seb et Vincent. Bonne nuit ou bonne journée à tous, ça dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. À très vite sur Ressource Radio. À la prochaine. Ciao. Bisous. Sitting high on my